Bonjour et bienvenue pour ce premier apéro original. Des gens qui mangent des chips. On va manger des chips. T'entends ? Il y a une bière sur la table. Non, je tiens à mon anus. C'est con entre potes et de s'enregistrer parce que c'est marrant. Alors ça, c'est très tordu mais bougrement intelligent. Merci, Inspecteur Gadget. Allez, viens. On est bien. Oh, là, je suis bien. Oh, je bouge plus. Oh, je ne bouge plus. Bonjour et bienvenue pour ce... Ah, non, mais je me répète trop, en fait. Bonjour et bienvenue pour ce premier apéro. Mais non. Pas très original comme nom. Troisième. Alors pourquoi on a fait ça, Asto, déjà C'était pour s'enregistrer entre potes. Dans la bonne humeur. Dans la bonne humeur. Et merde. Donc voilà, ouais, donc seconde partie. On refait le générique en live. Ah ouais, on fait le générique en live. Ah, ça, c'est... À la bouche. Viens. Bonjour, je suis ta gadget. C'est trop tordu, mais bougrement intelligent. Donc du coup, c'est le deuxième numéro de cette... Troisième. C'est la deuxième partie de ce troisième numéro, plutôt. On a bu qu'une seule bière. Mais ouais. C'était des bières de Noël. Donc, ouais, voilà. On a bu une bière. Ah, pardon, il est passé, il est repassé. Hein. Ouais. Donc du coup, on va commencer directement avec le décapsuleur de... Ouais. Avec le décapsuleur de... Du de destin. La destinée. Allez, je commence. Donc... Alors moi c'est une mangozo. Banana. Banana. Ça change quand même entre la bière de Noël un petit peu plus forte et là la bière très fruitée. Donc, un peu plus légère aussi. Et plus légère parce qu'elle fait que du 3-6. 3. C'était soit ça, soit une Gordon à 10 et quelques. Donc, ah c'est sûr qu'on t'aurait perdu pour le troisième. Hein. Faut perdu je sais pas mais on trouvait pas loin quoi. Alors, est-ce que ça va mousser? Parce que du coup, j'ai changé de verre. Hein. J'ai pas regardé la botte. Tu es revenu sur un verre traditionnel. Ouais. C'est très coloré, leader, déjà. Oui, et puis... Ça sent la banane. Il y a banane et je sais pas quoi. Ah oui, oh putain, c'est un petit côté ça, sent le, bonbon à la banane. Mais c'est très... Ça sent le diabète. Ça sent la banane. Ça sent le diabète. Fais pas une analyse après ça, t'es mort. Parce que ce qu'on a bouffé aujourd'hui, je crois qu'on est dans la merde. Une après-midi, tout ce qui est le plus normal. C'est ça. Je sais pas ce que vous voulez dire. Donc, au suivant. Bon. Alors, comment dire? Rien. Ben là, on dit rien. On ne dit absolument rien. Alors pour moi, ce sera une levrette triple. On fera du montage, ou pas. Levrette triple, bière d'opposition, trois fois plus de plaisir. Ah. Voilà. Ah, très coloré quand même. 7,3, ça va. Mais pourquoi tu fais les cigales? Donc moi, alors là, ça y est, un peu comme dans les abyssales, où il y a toujours des noms de merde. Je tombe toujours sur la bière avec un nom de merde. Donc vraiment c'est pas un petit japonais, donc c'est une Corsin donc Christmas Halle. Naïl, le verre il est à côté. C'est con. Ah mais c'est le même. C'est moi qui ai le verre. Putain de merde. Ouais. C'est du génie. Ouais. Là, je crois que c'est pas ça. Franchement, c'est pas que j'en goûte une. Donc bière de Noël au mois de février. Techniquement, hein. Techniquement au mois de février. Hein. Ouais. Ah. Ouais. On verra. Ça, si... De toute façon, c'est du podcast, ils écoutent quand ils veulent. C'est vrai. Déjà, enfin, déjà quand ils veulent à partir du moment où il est sorti. C'est ça. Sauf si tu deviens riche et que tu fais des tours d'hélicoptère et que tu as tout augmenté et que tu as trop de femmes honorées dans ton appartement, voilà. Tu seras devenu hein au château. Évidemment. On sait jamais. Mais vraiment, on sait jamais. Hein. Donc, moi, déjà, il y a un petit papier. Halu. Non, c'est une bière belge, donc c'est une brune de la Noël. Toujours, le chez nous, on dit de la Noël. La Noël, on veut des pop-tolls. De la Noël, donc elle fait 8,5A. Donc c'est moins que celle que j'avais pris la dernière fois, donc une bouchée de Noël, mais ça reste déjà assez suffisant pour rigoler. Ça reste pour la bonne humeur et le brouillard. Et le bonheur, oui. Le brouillard, c'est autre chose, c'est vrai. Le plaisir. Pour le plaisir. On voit la coloration. Ce silence d'abbaye. Et c'est 25 centilitres, donc c'est pour ça que le verre est moins plein et c'est pas plus mal. Et c'est interdit aux femmes enceintes comme d'habitude. Écoute, j'en mettrai pas une enceinte, au pire après c'est pas grave. Ça dira rien. Est-ce que si tu bois et tu la mets enceinte, ça compte? Faudrait déjà que je puisse pouvoir remettre une enceinte. Ce qui. Il y a trop de variables, donc déjà qu'il y en ait une déjà, qui est une variable déjà trop aléatoire pour que ça arrive. Ça va finir explicite, ça. Non, mais tout le temps, de toute façon, je suis obligé de les mettre explicites. Dès qu'un canard, quand même, explicite. Tu sais que même mes podcasts sur le rugby, je vais être obligé de les mettre explicites bientôt parce que je fais un moment ça s'appelle la déclaracom. Du coup, je gueule comme un porc parce que je dis que les gars disent que des conneries. Du coup, je suis obligé de t'assurer. C'est horrible. Moi, du coup, santé, hein. Bah ouais. Oh, sans moi, ça y est. Ça. En tout cas, la mienne a vraiment le goût de banane. Putain, ça. Je peux que ça me plairait. Moi. Ça me plaît, moi, ça. Je suis bien content. Je crois que. Va falloir faire. On va braquer le magasin. On va y aller. Et... Oh là là. Putain, c'est bon. Bah, c'est comme. Bah, du coup, on a acheté comme à chaque fois nos bières chez VNB. Et là, il y avait une pression mystère. Et donc, du coup, j'ai goûté. J'allais dire hier soir. Peut-être celle-là. Peut-être, c'était peut-être la triple. Au mois de décembre. Mais elle était très bonne. J'avais jamais bu, parce que ni à l'odeur ni au goût, ça me disait rien. Parce qu'il y avait le second goût était très fruité en fait. Ouais. Pas comme là la banane où tu sens directement la banane. Là l'autre elle était vraiment. T'as un deuxième effet qui se coule en fait. Ah, elle est toujours. Toujours. Moi c'est déjà avec l'odeur, c'est du bonheur. Oh là, non, putain, c'est fini. Allez, moi, franchement, je vais voir quel magazine. Bon, bah, du coup, on va pouvoir passer au contenu, on va dire, traditionnel de nos épisodes. Donc, du coup, je vais faire un dossier sur Lego Dimension. Mais au mois de février, il n'y a pas de férié, on fête rien. Pourquoi qu'on puisse dire qu'on a fêté Noël, là, en février. On va fêter Pâques bientôt, on fera un épisode spécial Pâques. Il y a la Saint-Valentin, mais on s'en fout de la Saint-Valentin. C'est la fête de quoi déjà? Des amoureux. La fête du commerce. Hein? Je sais pas, j'ai jamais fêté. Moi non plus. C'est pas parce que je voulais pas, c'est parce que je pouvais pas. Bon bah du coup, espèce de connard. Du coup, je vais pouvoir inaugurer mon jingle que j'ai enfin fait. C'est vrai? Ah, oui. Attends. Je l'ai fait ce matin. Allez, vas-y, mets les deux. Attention, parce que ça va bien marcher. Salut à tous. Je vous propose aujourd'hui d'apprendre à dessiner un personnage en pied. Non. Vous êtes prêts? Alors allons-y. Faites une forme de saucisson qui coupe au milieu. Voilà, et puis faites pareil des saucissons comme pour les jambes. Et une fois terminé, vous pourrez obtenir ceci. Un personnage sortant des flammes, tel un survivant. On va arrêter l'épisode. Attends, bah, voilà, fallait bien que je trouve un truc pour moi. Y a que ça. J'aimerais un jour que tu vois Loisel ou chez Baki. Ah, mais je vois un personnage sortant des flammes, tel un survivant. Quoi? Mais je le demande à tout le monde. Enfin, je l'ai demandé à quasiment tout le monde. Même tu me l'as fait demander. En plus, oui, pour les pompiers. Les godillots. Ah non, les pompiers, non, j'ai jamais eu l'occasion de le voir parce que si je le vois, je lui fais signer toute la collecte parce que c'est. Je trouve que ce type a un trait de crayon, mais juste magnifique. Les pompiers qui est chez Bambu. Voilà. Ceci est un message pour Randall Flagg. Qui est en train de s'étouffer là. Même Darvador, il a pas besoin de penser pour l'étouffer là. Non, du coup, ouais, enfin, j'ai quand même un petit peu vidé ma bouche avant de parler. Vous pouvez meubler avec Ikea et tout ça. Fly. But, Conforama. Donc on va parler des briques en plastique. Des briques danoises virtuelles. Dimensionnées, bien dimensionnées. Donc, Donc du coup, j'ai acheté le Lego Dimension sur Wii U. Pigeon. Parce que j'ai une Wii U, c'est ça? Les deux. Et tu joues pas à Smash Bros? Non, je sais pas jouer. Oh. Bah si tu joues pas. Ah. Donc parce que j'avais déjà joué au Lego Marvel qui était sorti. J'avais pas fait Undercover, mais là je me disais l'aspect vraiment figurine que tu utilises dans le réel et dans le jeu. Dans le jeu, oui. On le prend. Les jouets connectés, NFC, tout ça. @pipomantis. Donc je me suis dit pourquoi pas, parce que c'est l'univers déjà Lego, un truc tendre à mon enfance de petit garçon. Prépare le jingle blague. Ah merde, attends, vas-y, attends, oui, lequel, blague bien ou blague pourrie? Pourri. Ah ok. Avec oui. L'univers d'ici et de là-bas. Il est un petit peu long le canard quand même. Hein. Ouais, c'était trop long pour ce que c'était. Et du coup, je me suis laissé tenter, et parce que aussi, faut dire ça pour des raisons pécuniaires, mais qu'il y avait une grosse promo et qu'il y a encore une grosse promo actuellement lorsqu'on enregistre au Leclerc. Adolphe. Oh, arrête. Donc voilà, c'était. Ça l'est général, pas. Monsieur général Leclerc. Donc du coup, ouais, je l'ai payé 75 au lieu de 90 euros, la console. Donc le jeu de base, le socle, Batman... Cool Tag et... Gandalf. Et Gandalf. Ah oui, il n'y avait que... Il n'y avait que ces trois-là, plus la Batmobile. Dans le set de base. Le starter pack. D'accord. Après, en fait, du coup... Dedans, en fait, donc, c'est un jeu à figurines, je sais pas comment ça s'appelle ce type de jeu, donc style Disney Infinity et Skylander chez Activision. Donc en fait, on a les jeux en plus, mais physiquement en fait. C'est le nouveau style de DLC, c'est pour pouvoir jouer. Et chez Lego, c'est peut-être encore plus traître, parce qu'on sait pas si... Oui, en plus, parce qu'il y a différents niveaux. Ouais. Donc du coup, en fait... donc là j'ai un poster avec tout ce qui est sorti pour Lego Dimension. Et donc en fait ça va te regrouper en trois niveaux. On va avoir le pack aventure qui contient un personnage, un véhicule, un gadget plus un stage dans le jeu, mais un stage propre au jeu en mode histoire en fait. Un pack équipe où tu auras deux personnages, un véhicule et un gadget. Donc ce qu'ils appellent gadget, c'est souvent que je trouve ça, ça va être par exemple pour le sandwich. Ça va être le sandwich pour Scooby-Doo. C'est dans, on va dire, pour la boîte Scooby-Doo, donc on a la Mystery Machine, on a Sam, on a Scooby, et on a les crocs Scooby, exactement. C'est des petits gâteaux normalement, les crocs Scooby, c'est plutôt le... Oui, mais ouais, là où c'est des Scooby Snacks, ça dépend comment ils appellent ça. Et donc voilà, donc il y a trois niveaux, donc le pack aventure, le pack équipe que je viens de dire, et le pack héros où tu as un personnage avec un véhicule ou un gadget. Donc là, ça va être par exemple Bart Simpson avec sa voiture, ça va être un autre truc, ça va être un Cyberman avec un Dalek. Et voilà, donc après, au niveau des prix, c'est plus on monte dans le nombre d'éléments, plus ça devient cher. Ça devient cher, Rose. Parce que là, par exemple, le pack héros, donc personnage plus un truc en plus, c'est 18 euros. Ah, c'est déjà cher. Ça fait un petit peu cher. Mais de toute façon, déjà, les Lego de base, déjà, donc c'est... Déjà, de base, les Lego, ça coûte relativement cher. Bah, ça a bien augmenté de passage du franc à l'euro, où tu disais, ouais, avant, pour vraiment 10 francs, t'avais un personnage et un véhicule ou une connerie, un accessoire en plus. Maintenant, pour 2 euros, t'as un personnage. Maintenant, pour un 2 euros, t'as des minifigs, où c'est juste un personnage tout seul. Ouais, moi j'étais intéressé par le nouveau pack de la nouvelle licence Doctor Who, mais bon, il coûte 55 euros. Oui. J'ai trouvé ça très très cher. Hein. C'est vrai que ça fait un peu cher. Ça aurait fait un beau cadeau de Noël, mais 55 euros. Et encore, 55 euros, c'était sur le site... sur le site Lego quoi. J'étais allé sur Amazon ou quoi, sur Amazon, ils le vendaient à 50 euros le bordel. J'étais là, ok. What the fuck the hell? Tout va bien. Tout va bien. Non, non, ce n'est pas de la spéculation. Donc après, au niveau des, on va dire, des dimensions univers de chez Lego, donc on retrouve du DC Comics, du Lego Movie, du Magicien d'Oz. Donc c'est une licence qu'ils viennent d'avoir, à mon avis, là, juste parce qu'ils n'ont rien proposé. Ouais. Là, donc, en Magicien d'Oz, il y a juste la sorcière et un truc qu'elle est... Non, c'est un truc qu'elle est, un singe gelé, mais ça ressemble pas à un singe, en fait. Celui-là, c'est un véhicule. Enfin, tu vois pas trop avec le reflet. Ah oui, ouais. Mais en fait, c'est plus un véhicule, là. Donc, c'est un truc volant non identifié. Ah, Magicien d'Oz, ça fait du surpoids, en plus. Il y a du Seigneur des Anneaux, il y a du Retour vers le futur, donc Scooby-Doo, ce qu'on a dit, on a du Portal, on reviendra tout à l'heure. On a du Simpson, on a du Jurassic Park, on a du Ninjago, donc c'est, je crois, une des grosses nouvelles licences qu'ils ont sorties là, il y a 4-5 ans. Ouais. Bah, c'est une licence propre à Lego. Ouais, mais ça, c'est une licence propre en interne. Ouais. Qui est cool d'ailleurs. Après, je sais que ça a été décliné en dessin animé et jeu, mais j'ai jamais trop regardé après. La licence Doctor Who, qui vient d'arriver chez Lego et que ça fait bien plaisir par rapport aux, je crois que les autres, c'était des trucs Mega Bloc ou... Ah, c'était dégueulasse. Ouais, ils sont à côté, moi. J'ai un truc, un TARDIS tout dégueulasse. On a ensuite Lego Chima, donc qui est une licence propre Lego. Lego Chimé, c'est ceux qui boivent des bières. On a du Ghostbusters. Ah, ça c'est cool. Et ensuite on a du Midway Arcade. Ouais. Toi qui mettrais Mortal Kombat. En tout cas, sur cette version là, cette série là, il y a toutes ces figurines là. Donc bien sûr, proposées en plusieurs vagues différentes. Oui, quoi, ils font des boucles. Puis du coup, ils vont pas tout sortir d'un coup. Comme les Apipo. Voilà. C'est comme les Amiibo ou comme je sais pas si les Skylanders ils font pareil sur des systèmes de Skylanders vagues. Si, mais ils étalent la sortie, mais c'est pas parce qu'ils parlent pas de série, je crois. C'est à chaque. Ils sont des générations en quelque sorte aussi. Ouais, ouais, oui, mais. Chaque année, t'as une nouvelle génération. C'est propre aux jeux aussi qui sortent. Moi, ouais, en ce moment, c'est avec les véhicules. Supercharged. Supercharger. Avant, c'était Swap. Swap Force. Ouais. Swap Force. Avant, c'était les Giant. Ouais, c'est ça. Donc là, c'est vraiment en plus propre au jeu qui apporte un nouveau mécanisme, alors que là, typiquement, t'as juste le jeu, c'est juste que tous les DLC physiques, c'est des DLC physiques, sortent par vague. Donc tu vas avoir, je crois, la première vague, t'avais... Marketing. C'est marketing, oui, mais en même temps, c'est comme tout, ils vont pas te faire dépenser 500 euros d'un coup, voire même plus. S'ils sortent tout d'un coup, ils savent que tu vas acheter juste le truc qui t'intéresse. Ouais, et s'ils sortent petit à petit, ils vont te dire... Oh. Ouais. En attendant que. Pas comme les Deadpool chez Panini. En attendant que le Docteur Who il sorte, bah, je vais m'acheter le Retour vers le futur. Ah, je me suis acheté 150 euros de Deadpool. C'est-à-dire que. J'ai toute la collection. Donc, du coup, après, on va revenir un peu plus au niveau du jeu. Donc, moi, j'ai un petit peu avancé. Je pense que je vais être un quart ou un. Ouais, un quart du jeu ou 25% je pense. Et en fait ça va être décomposé en plusieurs mondes qui se suivent. Et chaque monde en fait t'as... Alors, comment expliquer ça? Tu vas avoir un méchant à battre. Donc vraiment t'as le monde, après c'est les structures classiques, t'arrives dans le monde, t'as un mini-boss, t'as des mini-épreuves et ensuite t'as le boss final qui permet après de relancer l'histoire et d'enchaîner. Donc on retrouve quasiment tous les méchants des univers que j'ai cités à chaque fois. Sauf que du coup, c'est mélangé. Oui. Par exemple, là, l'une des parties que j'ai faites, c'était dans l'univers, donc du coup, de Retour vers le futur, mais du troisième film. Donc du coup, c'est tout ce qui était western. La première partie du jeu, c'était vraiment des toutes petites missions, genre trouver tel objet dans telle brique, casser pour construire un appareil photo, pour prendre une photo d'une personne. Voilà, donc c'était vraiment après. Ça changeait en fait par rapport aux autres structures où c'était tout le temps des missions où dans le niveau tu dois faire tel acte qui te débloque telle porte, qui te débloque ensuite tel milieu de boss, ou, etc. Là t'as vraiment la première partie des mini-jeux. Et ensuite c'était un truc classique, bah faut construire ça pour pouvoir ouvrir la porte, pour sortir, pour passer au niveau suivant. Et donc ça change en fait sur ce niveau-là, sur cette mission-là. Mais après c'est des trucs tout structurel où tu peux avoir aussi des méchants, par exemple alors j'étais dans le monde Simpson et en méchant j'avais le Joker. Donc des fois il s'amuse à mélanger un petit peu les références ou les univers justement pour pas avoir le méchant des Simpsons. Ça peut être qui le méchant des Simpsons, pas vraiment au final. Ouais, ça peut être le patron, mais je pense. Oui, Burns. Ouais. Oui, après, il y a pas vraiment. Tahiti Bob. Tahiti Bob, oui. Et je crois qu'il y en plus, non ? Non, on a Krusty. Ah, Krusty. En tout cas, sur cette version-là, dans le monde de Simpson, on a Krusty avec une moto, Bart avec une voiture, et le monde qui est débloqué avec Homer Simpson, la voiture et la télé. D'accord. Ok. Donc ça, on va voir la première partie qui va être vraiment histoire. Et ensuite, on va avoir en fait un mode hub qui nous donne accès en fait aux autres dimensions. Mais en mode, là, ça va être mini bac à sable. Puis on va avoir une carte avec des éléments bien, bien distincts, bien délimités dans la zone qui va regrouper, par exemple. Donc nous, tout à l'heure, on a joué dans le monde Portal, où ça reprenait à peu près tous les univers de Portal 1 et Portal 2. Oui. Et c'est pareil après pour le Seigneur des Anneaux, tu vas voir, t'arrives directement dans la comté, et ensuite tu vas voir un bloc Isengard, un bloc Minas Tirith, un bloc le Mordor, mais en fait ça te fait une mini map avec plein, t'as des quêtes à faire, t'as des reconstructions, parce que du coup c'est un jeu Lego, donc tout ce que tu détruis ça va te rapporter des pièces et de la monnaie Lego. Qui permettent en fait de déverrouiller des éléments qui permettent après d'avoir de l'argent. On va voir après, chaque personne, chaque héros Lego en fait a des capacités. Donc on va voir les trucs habituels. Donc il y en a, ils peuvent voler, il y en a, ils peuvent tirer, il y en a, ils peuvent faire des rayons qui cassent l'or. Il y en a, ça va être plutôt l'argent. Il y en a, ils peuvent creuser. Il y en a, ils peuvent nager sous l'eau. Il y en a, ils peuvent. Donc voilà, ils peuvent faire vraiment chaque. En fait, chaque personnage a deux ou trois capacités propres. Et à chaque fois, donc, tu retrouves toujours les mêmes poules d'activités. Par exemple, tous les héros, enfin, je pense en tout cas, Cool Tag dans Lego Movie, le héros c'est Emmett. Ouais. Et peut-être Benny, donc le spationaute, doivent avoir la capacité maître constructeur. Donc en fait, c'est un élément, parce que du coup, pour expliquer ça, il faut que j'explique que le socle de jeu où on pose les figurines, en fait, c'est divisé en trois zones. Et on peut avoir sept éléments dessus. Contrairement aux autres plateaux, je crois. T'en mets deux ou trois. Infinity, ça doit être deux plus un élément bonus. Ouais, et Skylander. Et Skylander, ça va être deux avec peut-être deux éléments en plus, parce que c'est quand même des gros plateaux. Ouais. Et tu peux en mettre, donc du coup, voilà. Je pense que ça doit être quatre. Donc là, en fait, avec les maîtres constructeurs, tu dois déplacer en fait zone par zone. Donc tu as une zone délimitée donc, qui fait un L, tu as un autre qui fait le L inversé et tu as une sorte de rond au-dessus pour faire vraiment un piédestal. Donc du coup en fait tu es obligé de les déposer dessus dans un ordre bien précis pour que tu déclenches en fait la capacité maître constructeur. Okay. Donc après si vous avez vu Lego Movie, oui. En fait c'est le moment où il dit ah il me faut cette pièce là, cette pièce là, cette pièce là et qu'il saute partout pour construire. Vite. Donc du coup dans le jeu ça refait exactement le même mécanisme. D'accord. Dès que tu bouges il fait ah je vais prendre ça, je vais prendre ça, prendre ça, et puis juste après il va tout mélanger et faire un spaceship. Et faire voilà. Et du coup, j'ai acheté le spaceship qui me reste à monter. Hein. Merci de me le rappeler. Ceci est un message pour Oasis. C'est vrai. Ah oui, parce que du coup, quand je l'ai pris, je l'ai pris en photo et j'étais assez pour toi. Donc, du coup, on a fait, avant d'enregistrer, on a fait une petite partie sur Portal avec Asto. Mm-hmm. Est-ce que, avant de manger, est-ce que tu peux en parler vite fait ou... Tu manges avant ou... Non, attends, vas-y. Donc, du coup. On va meubler. Pour Portal, je vais dire déjà, il n'y a qu'un. Qu'un pack. Qu'un pack, donc qui est le pack directement Aventure. Donc, il nous propose avec Shell. Ouais. Une tourelle qui va être un véhicule et le cube compagnon. Oh, le compagnon de l'équipe. Et donc, du coup, je vais pouvoir expliquer ça aussi. Chaque véhicule peut évoluer. On va pas être dépensé de l'argent pour débloquer les capacités. Ouais. Et au bout de 3 capacités dans une catégorie, en fait, on débloque le niveau suivant. Et au bout de 10, sur le premier montage du véhicule, on débloque le deuxième montage. D'accord. Donc ainsi de suite, donc c'est pour ça on peut avoir la tourelle qui est donc une tourelle classique comme ça. Ouais. Et après on va avoir une autre tourelle qui va pouvoir voler ou un truc du genre. Ok. La classe. Donc voilà, donc là c'est pareil, faut aller après, donc faut le mettre sur le socle et passer en mode édition pour pouvoir modifier. Ouais, pour le petit livre. Ouais, avec le petit livre en fait, du coup c'est t'as deux parties, t'as la première partie avant le petit livre. Enfin, quand tu l'as jamais construit, tu as le petit livre pour construire la première phase, le premier modèle. Et ensuite, quand tu repas dessus, en fait, c'est là où tu vas débloquer les améliorations. Et donc, du coup, maintenant que tu as fini de manger, non ! Est-ce que tu peux nous dire ton ressenti sur la petite partie qu'on a faite vite fait, en tout cas sur Portal ? Lego Dimension. J'ai pas tout compris en fait. Oui, parce c'est... que le monde Portal est quand même assez complexe. Ouais. Il y en a un petit peu partout. En fait, voilà. ça mélange vraiment les deux Portal et Lego. Voilà. Il y a beaucoup de références à Portal 2. Surtout du Portal 2. Et en fait, j'ai pas compris où est-ce qu'il fallait aller. Parce que tu peux aller, comme c'était un mode sandbox, on pouvait aller un peu où on voulait, faire un peu ce qu'on voulait. Et du coup, je savais pas quoi faire. Je me suis baladé, je trouvais des trucs un peu partout. Mais. J'avais pas de but précis et je voyais pas où en venir en fait. C'est vrai que c'est, du coup, c'est un peu le. Quand je sais pas, parce que là c'est vrai, c'est pas le monde d'histoire donc du coup t'es pas. T'es pas guidé, y'a rien. T'es pas guidé. Tu fais ce que tu veux. Donc, c'est fait pour, hein, c'est du sandbox donc c'est fait pour aller faire des missions secondaires, des trucs comme ça. Mais ne connaissant pas le jeu, j'étais un peu perdu quoi. Ouais, après, je pense une phase d'adaptation, tu vas faire peut-être une partie d'une heure ou le temps de voir. Peut-être pas après dans un monde aussi complexe entre guillemets que Portal. Je pense qu'une fois que tu as fait le mode histoire de Portal, peut-être après tu es plus à l'aise sur la dimension. Il faudrait peut-être que je fasse le mode histoire de Portal. Je sais même plus si je l'ai fait en fait. Il n'est pas très long a priori. Non, en fait, chaque mission, ça doit durer à peu près une demi-heure. Ouais, c'est ce que j'avais entendu. Ouais. Si tu torches bien, tu le fais peut-être en 20 minutes. Parce que t'as les trucs, en fait, c'est tout con. Donc, le portail, en fait, tu vas avoir des pouvoirs spécifiques au portail qui vont débloquer, en fait, des mécanismes de gameplay. Donc, celui qu'on a vu principalement dans Portal, c'est en fait l'utilisation de niveaux différents. Et quand tu te déplaces sur un socle, en fait, tu vas dans le système de se téléporter d'endroit de socle, dans le Toy Pipe, tu changes d'endroit et en fait, tu arrives à la destination qui correspond à la couleur. Voilà. Mais en fait, il n'y a pas que ça comme pouvoir, il y a vraiment plein d'autres pouvoirs. Tu as un pouvoir où tu peux agrandir ou rétrécir le personnage. Mm-hmm. Donc ça, du coup, tu as des éléments où tu dois être tout petit pour pouvoir entrer dans une cage d'ascenseur, monter, faire un chemin. À un moment, tu dois être tout petit. Tu dois être grand pour pouvoir prendre une caisse et le mettre dans le passage du petit, en fait, pour comme si c'était un tunnel et qu'il manquait un endroit du tunnel. est un endroit, en fait, c'est des ascenseurs que tu peux lever. Donc en fait, tout, au tout début, tu es tout petit, tu te mets en dessous et tu te mets donc, sur le socle, en, on va dire physiquement, tu te mets sur la zone verte pour grandir et en fait, ton personnage grandit et ça fait, ça rebouche le trou en fait. Mm-hmm. Donc tu as plein de petits mécanismes comme ça et il y a un pouvoir en fait, tu dois trouver une pièce, je ne sais plus comment ils appellent ça, mais qui en fait ouvre un portail. Mm-hmm. Et pour ça, en fait, t'es obligé d'aller à côté de la pièce où elle se trouve. Sauf que toi, tu la vois pas. Et le pouvoir, c'est justement de détecter. Donc, t'es obligé de faire toute la partie de carte dans la zone qui est délimitée. Mmh. Tu dois faire tous les endroits pour vraiment bien essayer de voir. Donc, ça peut durer un bon moment. Et des fois, tu passes à un endroit. Tu dis, bon, bah, ça, je l'ai fait. Moi, je le refais dans l'autre sens. Et tu fais, bah, putain, j'ai fait toute la carte. Je suis obligé de le refaire. Donc, des fois, il y a des mécanismes qui ne marchent pas trop. Il y a celui-là. Mais après, le système de téléportation ou le système de changement de taille, c'est, je trouve que c'est des trucs assez marrants. Et puis, ça change, de, à mon avis, de Skylander ou d'Infinity, où une fois que tu l'as posé, bah, tu ne touches plus. Mmh. Alors que là, non, tu as plein de petits mécanismes. Par exemple, avec Gandalf, un de ses pouvoirs spéciaux, c'est d'éclairer dans la pénombre. Donc soit pareil tu mets sur la zone, soit directement sur le bouton dès que tu arrives sur la zone qui est en fait il y a deux façons de faire, soit tu le fais vraiment physiquement, soit dès que tu as un problème tu appuies sur A parce que tu as toujours l'aide A qui se met au-dessus quand tu dois le faire et il switch et il applique le pouvoir directement. Donc tu as le gameplay qui est quand même là parce que tu dois faire une action mais c'est moins c'est moins marrant que d'aller sur de te dépêcher de mettre le truc et de revenir derrière. Ouais, donc après, je sais pas si vous avez d'autres questions. D'autres réflexions. Non, mais moi je trouvais ça super bien parce que tu m'avais fait jouer au. Tu m'avais montré le mode. Tu m'avais montré le mode aventure de Back. Oui, c'était pas quelque chose de futur qu'on avait vu vite fait. Ouais. Avec Scooby-Doo qui montait sur les escaliers et qui se tortillait. Et qui rigolait. Rigolait comme un con, rien qu'avec ça. Heureusement qu'on était pas plein comme des yeux, parce qu'on aurait pu faire ça pendant des heures. Non, mais après, ça reste un jeu vidéo Lego. Il y a quand même quelques bugs dessus. Des fois, qui peuvent être embêtants en plus. Et par exemple, justement, sur le monde Retour vers le futur, donc j'ai le policier qui permet de faire des formes dans l'or et donc du coup de déverrouiller tout ce qui est en or. Et en fait, il y a un endroit, il y a un bug. Donc je sais pas si c'est lié à ce personnage-là. Et à cette map là, parce que si je prends Superman qui a aussi les rayons laser pour pouvoir le faire, est-ce que ça veut bugger pareil? Parce que c'est un tout petit un truc en Z et en créneau à la con. Du coup, t'es obligé de le faire aussi au joystick. Et à un moment, je sais pas pourquoi, le faisceau en fait part de la zone. Donc t'es en train de faire la sculpture, et d'un coup, pof, tu te retrouves à côté. Pof! Donc bon, il reste encore des petits bugs, mais bon, c'est. Mais dans les jeux Lego, c'est un peu con. Des fois, la caméra, elle n'est pas non plus. Ouais, c'est optimum. Ouais. Par contre, ce que j'aime bien, dû au fait de la Wii U, c'est quand tu joues à deux personnes, l'écran n'est pas splitté. Ouais. C'est le joueur principal, il joue sur sur le gamepad, et l'autre, il a la télé. Ouais. Donc, ça évite. Ça que je trouve plutôt intéressant en général avec la Wii U, c'est que du coup, si t'as deux personnes, c'est pas les écrans splittés où du coup t'as la moitié d'écran pour voir, où c'est un petit peu le bordel pour voir où tu te trouves. D'un autre côté, le fait d'avoir l'écran splitté, c'est que tu vois où est l'autre. Ouais. Oui, là tu le vois aussi sur la mini-carte, mais ça que je voulais dire aussi après, au niveau de la mini-carte, dans le monde. On va dire, ils appellent ça le vortex ou le vorton, un truc du genre. Quand tu es en mission, en fait, quand tu es dans un monde, par exemple Portal, et qu'une des personnes prend une quête, il n'y a que lui qui voit les éléments. Par exemple, on devait chercher des boules, je sais plus quoi tout à l'heure. Il n'y avait que moi qui voyais les emplacements. Ah, c'est bête. Hein. Et ça, c'est bête. Et je suis pas sûr que deux personnes peuvent prendre deux quêtes en même temps. Oh. Donc ça qui est un peu chiant. Et je sais qu'ils ont fait une mise à jour là il y a pas longtemps où tu peux jouer en fait, tu peux louer des figurines que t'as pas encore. Oui, c'est pour être qui sont sorties. Mais du coup, tu peux les avoir pendant 30 secondes pour pouvoir débloquer et utiliser leur pouvoir spécifique à ce moment-là. Donc c'est pour ça, tout à l'heure, on avait un portail de chi. Oui, il fallait utiliser du chi. Et normalement, t'avais un cube bleu ou orange à côté. Ouais, je dis. Et en tapant dedans, en fait, ils te donnent des indications. Ils te disent que tel personnage peuvent fondre l'or, utiliser le pouvoir de chi, etc. Et des fois, là, c'est pareil. Tu dois appuyer sur B une fois que t'as passé ce message-là. Mmh. Pour pouvoir le louer. Sauf que B, tu sautes. Et moi, je sais que j'ai jamais réussi à activer le fait de louer un personnage. Puis à chaque fois que j'appuie sur B, en étant en face de lui, en étant sur lui, en étant à côté de lui, ça j'ai jamais pu avoir l'option. Donc voilà, c'est un petit peu le reproche. Mais après, l'histoire et l'univers sont super bien. Et c'est ça que je voulais dire. Chaque monde a sa patte graphique propre. Ouais. Par exemple, donc là on a fait du Portal qui est un petit peu classique. Le Scooby-Doo est plus en SD en fait, avec plus comme Borderlands, avec les contours noirs, le cel shading, ouais, le plan en SD, plus en cel shading. Mm. Donc chaque univers a du coup un univers qui lui est propre. Mm. Donc voilà, donc c'était pas vraiment un dossier, c'était plus un retour sur voilà sur le jeu. On est là, on est bien. Et on bouge plus. du coup on va passer à moins que vous ayez d'autres choses à dire sur Lego. Bon, pas grand chose non sur. On a raison. Du coup on va passer au quiz de Monsieur Gandalf. Ah. Alors attention. Attends. Ah. C'est parti là. Ma main a coupé, ça va encore tourner autour du trou de balle cette histoire. Balle ou pas trou de balle? Non. Les deux, mon capitaine. Les deux, mon capitaine. Non, cette fois c'est. Ouais, ça dépend. Non, cette fois je vais vous parler des. Fais gaffe, ça dépend, ça dépasse. Hein. Ah. Sexto. Non, le Père Noël est une ordure, mais je. Bon, c'est pas vraiment un quiz, c'est plus un dossier, mais bon, il y a de tout. C'est plus un. Ouais, faux dossier, c'est. Ouais. Ah, t'as le droit. J'ai fait, j'ai fait un dossier qui était pas un t'as dossier. T'as un mec qui a bossé le truc. Hein. Une chronique. On va appeler ça une chronique. Et même celui qui a bossé. On va appeler ça une chronique de l'Odo, ça, allez, hop. On a du temps. Donc alors c'est un magnifique dossier chronique, donc déjà le nom, le complot des nutritionnistes. Oh merde putain, mais pourquoi tu dis ça alors qu'on est en train de manger un petit peu n'importe quoi là. Ouais. Déjà, sioniste avec un S, hein, bien évidemment, parce que je vais vous parler des théories du complot. Oh bah tout. Et hein? Tout. Voilà ça. Et des sites d'extrême droite, en général. Donc déjà autant vous dire que j'ai ramassé, je pense que là Benoît Cazeneuve veut venir chez moi pour m'arrêter parce que toutes les conneries que j'ai regardées. Non, c'est Sarkozy qui veut ça. Sarkozy qui veut ça. C'est... Ah oui, c'est vrai qu'il avait dit que donc du coup Marine Le Pen est un djihadiste parce qu'elle a retweeté des photos de djihadistes. C'est dommage qu'elle aille pas en tôle. Je serais excessivement déçu quand même. Quel dommage. Allez, je prends un petit coup de guacamole et hop. De guacamole. Le guacamole, je continue. Donc je suis allé déjà sur le site. conspiracywatch.info. Point info, hein. Ouais. Si c'est point info, c'est ça. Déjà. Ah, parce que autant vous dire que c'est un dossier tofu parce que j'ai lu mais des trucs mais énormissimes. Déjà, je vais vous sortir une définition du qu'est-ce que le conspirationnisme. Alors. Moi, je sais. Qu'est-ce que quand tu fais ça? Ne mets pas tes doigts sur la porte. Tu risques de te faire pincer très fort. Non, c'était pas ça. C'était un complot. Un complot, jeu vidéo maçonnique. Alors, au sens fort, le conspirationnisme désigne l'attitude consistant à remettre en cause abusivement l'explication communément admise de problèmes, de phénomènes sociaux et événements marquants au profit d'un récit explicatif alternatif qui postule l'existence d'une conspiration et dénonce les individus ou groupes. Groupes. Qui aurait pris part. Donc, abusivement, le récit, donc abusivement de points, le récit proposé s'affranchit des règles élémentaires du raisonnement scientifique, notamment en écartant systématiquement les éléments qui seraient de nature à le contredire ou alors qu'il consent à les examiner en échouant à les réfuter de manière satisfaisante. Postule, la conspiration n'est jamais démontrée. Donc c'est un peu du vrai faux bullshit, du bon. Autant vous dire, ouais, voilà, donc j'ai vraiment ramassé, j'ai récuré la merde, mais vraiment. Je suis tombé sur des trucs qui étaient à la fois creepy, j'ai été. T'as été sur le Gorafi et 7 sur 7.be, c'est ça? Ah, pire que ça! Pire que ça, pas de creepy, ça. Même si sur 7.be, j'avais eu quelqu'un qui disait non, mais Marine Le Pen ne sera jamais présidente parce que la CIA ne veut pas. Les types campent avec 1000, les types ils sont. Toi, l'Himalaya, c'est pas assez haut encore. Et ils planent, hein? Ah, mais ils planent, hein? Les types ils sont loin. Non, déjà, je vous. Non, autant vous dire que les juifs. Avec moi, parce que j'ai trouvé que ça, ça me prend plein la gueule. Voilà. En veux-tu, en voilà. Toujours. Patrick Brel, tout ça, on ferait une nouvelle fournée, tout ça, on va penser qu'on peut. Merci Jean-Marie. Tout le monde est navré. Non, mais arrête, je vais devoir faire du montage maintenant. Maintenant que j'ai dit ça, je vais pas pouvoir le faire. Donc je suis tombé sur un complot sioniste, voilà, parce que quand on parle des juifs, on dit toujours que c'est des sionistes, hein. Parce que, en fait, les sionistes, c'est quand on n'aime pas le pays Israël, mais bon, si c'est pour dire de la merde, donc profitons-en. Il y en a un peu plus, je vous le laisse. Voilà, c'est ça. Donc complot sioniste contre les soutiens-gorge des femmes arabes. Un site égyptien qui rapporte cette affaire scandaleuse, le lobby sioniste utilise des tactiques mal intentionné pour cibler notre soeur, notre mère et notre femme. Une jolie femme musulmane s'est rendue, une jolie femme, je sais pas pourquoi ils ont mis ça d'ailleurs, dans une boutique de lingerie en Algérie et a acheté un soutien-gorge de qualité. Elle était satisfaite de son achat. Mais lorsqu'elle est rentrée chez elle et qu'elle a essayé son soutien-gorge, elle a senti quelque chose de dur dans le bonnet. Ce n'était pas mon. Ça rentre pas dans un bonnet. Ça dépend de la taille du bonnet, bien évidemment. Elle a découpé et alors un des bonnets et a alors découvert un petit sac contenant une substance mystérieuse. Une substance qui est forcément... qui cause le cancer. Ah, attention, et attention. Et c'est là que vous pouvez être effectivement qu'un coup des sionistes. Ni une ni deux, l'info s'est propagée. Les sionistes mettent des substances cancérigènes dans les soutiens-gorge des femmes musulmanes exprès. Ouais, ils font ça à foutre. Voilà. Ah, les salauds. Sauf que le fabricant est chinois. Fabricant de... Ça s'appelait Zou. Allez, Zou. Et le distributeur aussi d'ailleurs. Hein? Et donc, c'est... en fait, c'est les, tu sais, vous savez, c'est les petits sachets qu'on met des fois dans les trucs pour les conservations. Tu sais, les petits sachets, faut pas moi genre. Oui, avec les ah, les trucs pour l'humidité. C'est ça. En fait, c'était ça en fait. Donc, autant vous dire c'était que. C'était du cyanure. C'était du cyanure. On voulait tuer les femmes musulmanes. C'est le coup des Israéliens, toujours. Ah mon dieu! Bon, déjà, c'est un site encore, vous voyez là? C'est un site legit, ils reprennent les trucs du complot et ils les dénoncent. Parce qu'après, je vais tomber sur des vrais sites qui parlent de vrais complots. Et c'est là que c'est vraiment la vraie tristesse. Des vrais faux sites qui parlent de faux vrais complots. Quoi? De vrais faux. C'est une vraie faute d'ambre requin de résine. On résine ça. Parce qu'après, j'ai. Mais de toute façon, rien que les titres déjà sont magiques. Mais après, j'ai Pepsi, les frères musulmans et les sionistes. Waouh! Jusqu'ici, voici qu'à la télévision égyptienne, à une heure de grande écoute, dans un talk show très suivi, c'est qui est la vérité, je ne peux pas vous citer le nom de l'émission, mais un présentateur a démontré, preuve à l'appui, que les sionistes décodent les publicités de Pepsi pour faire revenir au gouvernement les frères musulmans. Comme la société Pepsi est détenue par des juifs, pas de preuve. Et comme lors des matchs de football, des milliers et des milliers de canettes sont vendues, ces derniers n'ont pas trouvé mieux que de coder des affiches publicitaires. Donc en fait, c'était des affiches où en fait, les types ils ont pris tous les numéros de maillot, ils ont dit oui, en fait, ça fait une date. Et là, il y a la main des frères musulmans, et du coup. Ouais. D'ailleurs, on ne voit pas pourquoi les frères musulmans ont quelque chose avec les juifs, d'ailleurs. Si tu divises 42 par 2, ça fait 24. Et donc du coup, c'est 42 à l'envers. Ah voilà. Et si t'enlèves toutes les lettres à Dora l'exploratrice, bah t'obtiens un Père Noël. Ah oh, mais oui. Mais oui. C'est comme si tu rajoutais une lettre à Anus, ça fait Anus quoi. Enfin, fait du game. Tu changes la tête à Dora, ça fait plus. Oui, voilà, c'est la même chose quoi. Et donc après le site nommait que pas très performant comme système quand on sait que l'Égypte compte des millions d'analphabètes. Alors faut bien les distraire. Voilà, merci, bravo, au revoir. Donc c'était deux news du site israelflash.com. Donc à savoir si les sionistes ne dénoncent pas eux-mêmes les complots sionistes. Parce que, toujours, est-ce que le complot fait partie du complot? Ou le fait, de dire que c'est un complot ne fait pas partie du complot. Pour essayer de mettre un contre-feu pour pas qu'on voie le complot, en fait. Le méta-complot. C'est ça. Peut-être. Parce que moi, déjà, Du coup, tu détournes l'attention sur « Ah, regardez, il y a un gros complot, là !» Ouais. Parce que moi, je connais les spécialités, parce que souvent, c'est pas des styles d'extrême-gauche. Hein, mon grand regret, d'ailleurs, parce que le communisme, tout ça, ça me connaît. Et je suis toujours très déçu, du coup. Parce que souvent, alors, il y a 1 milliard de personnes, à peu près, qui posent un article sur ce site. Mais ils ont toujours des noms à consonance américaine. C'est-à-dire que, pour moi, c'est des pseudos. En fait, c'est toujours le même con qui met un article. Ça doit être ça, parce que pour moi, c'est pas possible. Parce que, mais vraiment, il y a vraiment 1 milliard de personnes. Genre, c'est jamais la même personne qui met un article. Mais c'est écrit de la même façon. Oui, voilà, ils ont tous le même ton. En plus, les sites. Non, c'est des sites d'extrême droite très souvent. Donc, défonnés, on appelle ça souvent. Donc, c'est des sites qui font croire que, genre, c'est des altermondialistes, mais en fait, pas du tout. Et du coup, ils utilisent toujours un ton à la con. Genre, les autres, c'est de la sous-merde. Donc, comme ils disaient un peu plus tôt, genre, les autres, la vérité, elle est forcément fausse. Alors que eux, leur vérité peut être fausse aussi, mais bon, non, ça, ils en remettent jamais l'existence en cause. Et toujours quand ils parlent de quelqu'un, autant te dire que c'est pas pour le mettre sur son plus beau jour. Oui. Parce que je suis tombé sur une photo, mais creepy, mais ouh, creepy, j'ai pas dormi. Non, c'est écrit. Toi, t'as pas dormi, c'est possible. Ah oui, parce que moi, quand je vois des gens qui sont moitié morts, découpés, ça me fait rien, mais des photos creepy, ça me. Ah, ça me fait pas bien après. Des photos de creepy? Ouais, des crépis, c'est des gens, c'est des maçons, mais il faut dire. Ah mon dieu. J'étais pas bien après. Tous ces portugais, mon dieu, Marine Le Pen, elle aimerait pas ça. Mais je suis tombé quand même sur des trucs, mais. On est mort de rire. On peut tout. Non, mais vous allez. Je suis tombé sur des articles, mais les enfants, mais des trucs, mais de dingue. Genre. Alors c'est en anglais. Is Vlad a vampire? Conspiracing theorist not go nuts over a picture that does get Putin hasn't changed appearance over 5, comment ça se dit? 5. Hein? 5. Non, 100. Ah, 100. 100, ouais, 100 years. Donc en fait, c'est des gens qui ont trouvé des lookalikes de. Vladimir Poutine serait un vampire. Hein. C'est ça. C'est la photo bah, qui a été partagée dans la semaine. Tu as trois photos avec des dates différentes où il y en a un, c'est en noir et blanc, où il est en. Bah, il est en... une personne qui lui ressemble en aviateur, il y en a une autre où je sais plus quoi, puis il y a une photo là présente. Ouais. Non, c'était ça en fait. Voilà, on a retrouvé deux photos d'un lookalike de Poutine qui date de 1920 et 1941. Et du coup, je fais ici c'est un vampire, tout ça. Les types parlent des délires, mais de dingue. Mais tout le monde. Est-ce qu'il brille au soleil? Ah, ça on sait pas. Faut demander à Barack Obama. Toujours. Non, mais je suis tombé sur des. Parce qu'en fait, je suis tombé sur un site qui regroupait du coup plein de trucs. Mmh. Genre, même Reporter. Il y a un site qu'on voit souvent partager. Mais c'est un site pas de conspirationniste, mais de. Comment ils appellent ça? De. Confusionnisme. Ah. Donc en fait, c'est pour te. Pour t'embrouiller en fait. C'est ça. Parce qu'après, il y a les sites après de. Comment ils appellent ça? De dissidence. Alors, ça, les sites de dissidence, c'est encore autre chose, c'est tout ce qui est les soralistes. Donc, Alain Soral, tout ça, les gros remue-merde là, tu sais. Où t'es même pas arrivé sur le site, déjà t'as marqué Don. En gros, ou achète un t-shirt, t'as même pas le temps d'arriver, déjà tu te fais agresser. Adjo. Ouais. Et parce que j'ai même trouvé une association d'SDF qui faisait des soupes aux cochons. Et qui mettait en gros nourrir les nôtres et pas les autres. Ah, mais. Je suis tombé sur des trucs, mais je suis. Mais. Le premier jour, je suis fini la tête à l'envers. Je me suis dit, mais comment est-ce possible? Comment des gens peuvent croire ça? Parce qu'il y a des trucs, vous allez voir, c'est à peu près. Bon, logique, mais je suis tombé sur des trucs, mais le what the fuck le plus total, quoi. Déjà, je suis tombé sur un site qui s'appelle Arrêt sur Info, donc Arrêt sur Image. Qui est beaucoup mieux, quand même. Qui est beaucoup mieux. Argentine, la CIA et le Mossad au pouvoir. Bah oui. Toujours. Donc, on a le complot, la CIA, les grands. Avec mon ami les francs-maçons, ça fait partie du top 5 des excuses les plus. Et le Mossad, bien évidemment, nos amis les sionistes, bien évidemment, Israël, les juifs, tout ça. Donc là, déjà, on a le combo breaker. Bon, avec ça, on peut que gagner. Après, j'ai le site, alors ça, c'est un site d'extrême droite. Bon, après, certains vous diront oui, mais tout ça, patin couffin, boulevard Voltaire. Déjà, boulevard Voltaire, voilà. Quand tu vois que Robert Ménard pose des articles, déjà, tu te dis, on est en odeur de sainteté ici. Quoi. Surtout que lui, il aime bien mettre des petites crèches, non, les pavés des noirs. J'imagine. Donc j'ai Hollande doit être destitué pardon, par la haute cour pour haute trahison. Comme ça. Et juste après, j'avais Marion, la transgression tranquille. Il parlait bien évidemment pas de Marion Bartoli. Hein. Je vous laisse imaginer de quelle Marion il parlait. Et là, je suis tombé sur un site comme je les aime. Mais vraiment, ça s'appelle Panamza. Et ça, c'est vraiment le site. Mais creepy chic, c'est là où j'ai trouvé photo creepy tout. C'est vrai que t'as arrêté de dormir. C'est vrai que j'ai arrêté de dormir. Donc, attention, j'ai 5 titres pour vous. Préparez-vous les enfants, ça va accrocher au rideau. Un terroriste au Bataclan va l'attaque. Non, on nous a fait du coup le complot en nous disant que les vigiles étaient en fait avec les terroristes parce que le patron du Bataclan était... De toute façon, ça va être avec la suite. Le patron du Bataclan, en fait, l'ancien patron, c'était un juif qui est parti en Israël ou je sais pas quoi, et que du coup, l'hypercachère, tout ça... Oui, c'est les mêmes, quoi. Ah, c'est ça, c'est tous les mêmes, voilà. Coïncidence, TF1 et M6 accompagnaient des pompiers situés à 5 minutes des attentats. Alors que tous les week-ends, on a des reportages sur Paris, hein. Mais ça, par contre, ils s'en branlent. Quand tu regardes, c'est pareil, pour le 11 septembre. Ouais. T'avais une équipe qui avait suivi des pompiers, qui étaient les premiers sur les lieux. Qui a du coup donné le reportage 9-11. Ouais. Dis, mais oh, comme par hasard. Mais, bah oui. Non, mais c'est non, mais surtout qu'on oublie que tous les week-ends, il y a soit les brigades d'autoroute. Soit les brigades de Paris. Les trucs en quête d'action, c'est 99 ça. Minutes, je sais plus quoi. Mais ça, par contre, ils occultent. Ça, tu ne le vois pas du tout dans l'article. Pareil, le truc du Bataclan, c'est là où j'ai trouvé la photo creepy parce qu'il disait que le chanteur des Eagle of Death Metal était tombé sur un terroriste en haut d'un escalier ou je sais pas quoi. Et du coup, ils ont parlé de sa copine ou je sais pas quoi. Du coup, ils ont mis une photo, mais bien creepy d'Halloween. Parce qu'il disait que c'était une crypto satanique ou je sais pas quoi. Parce que oui, ça, c'est les mots d'extrême droite. Ça, c'est toujours des mots trop bizarres. Un peu comme, comment ça s'appelle, pas le cours international, parce que je lis. C'est un autre truc, un truc du mot, je sais pas comment ça s'appelle. Oui, c'est des mots bizarres, mais c'est des mots intellectuels. Ben là, c'est pareil. Quand on veut se foutre de ta gueule, on te met des mots intellectuels. Pour faire croire que genre, il est comme ça. Carnage au Bataclan. La Photoshop a été diffusée depuis... Internet. Instagram. Les lieux. Tu es trop loin. D'après Israël. Mais bien évidemment, depuis Jérusalem. Toujours. Toujours plus. Non, mais ça, c'est à cause des VPN, c'est pour ça. Oui, mais c'est ça. Le pire, c'est qu'avec un VPN, ça se fait en 30 secondes. Les types sont bons comme des balais. Mais les types, les pires, c'est que des fois... Moi, je suis tombé sur les... Oui, les gars de l'État islamique qui tweetent depuis, depuis la Grande-Bretagne. Je sais pas quoi. Non, avec un VPN, ça coûte pas un rond de le faire. Bah, oui. Non, mais les types sont bons comme des balais. C'est ça qui est fou. Et le pire, c'est que tu vas pour les contredire. Non. Bah non, regarde, on a la preuve là. On a la preuve là. Et les autres preuves, non. C'est-à-dire que les gars recoupent zéro preuve. La COP21 est protégée par une technologie militaire israélienne. Bien évidemment, loulou. C'est bon, je commence à comprendre le quiz. Tu sais, c'est comme le funny quiz, hein. Ouais. Bit, sperme et pute. Mais un peu prédictif, parce que si c'est pas sioniste ou Israël, c'est fini. C'est bon, je suis au taquet pour la prochaine question. Hollande est financé par un lobby. Attention, il y a un croc. Du coup, il y a un... Israélo-sioniste. Israélo-palestinien. Irakien. Non, américain. Là... Oui, bravo, là c'est bien dans le coup. J'avais le début. Le témoignage clé a été censuré. Non, vous voyez, non mais je vous dis, mais on tombe sur des trucs, mais sur des sites, mais les types, je sais pas si Camp Avenue ou je sais pas quoi, parce que des fois on peut se dire, bon, nous cache quelques trucs, parce que bon. Oui, après on n'est pas obligé de tout nous dire, les trucs qu'on. Je comprends qu'on ne nous dise pas tout. Voilà. On ne nous dit pas tout. Mais le problème de ces sites-là, c'est que eux, ils prennent leur un peu comme Marine Le Pen qui avait dit « Je vous dis la vérité ». Pourquoi elle dit « Tout le monde ment, je vous dis la vérité ». Pourquoi elle dirait la vérité spécifiquement, en fait? Parce que moi, je dis comme Dr. Who. Non, pas Dr. Who, Dr. House, pardon. Tout le monde ment. Oui. Et quand on prend ça comme principe, de suite, c'est un peu pareil avec ces sites. En fait, eux, ils pensent qu'ils disent la vérité qu'elle est vraie. Et que le reste c'est du bullshit et que du coup eux on peut pas les remettre en cause en tant que tel. Moi les seuls trucs de complot que je dis que c'est vrai c'est les Wikileaks. Là, du coup, c'est. C'est sourcé. Un travail de source et il vérifie avant de dire, bah voilà. C'est ça. En on publie ça, mais voilà, on sait pas. En plus, le complot, c'est un peu comme le Front National, le jeu du Front National. Quand le Front National, on en parle, on n'en parle pas, ça fait son jeu quand même. Mmh. Et bien là, c'est pareil, en fait. Quand tu demandes à quelqu'un, est-ce que tu fais partie du complot, qui te répond oui ou non. Oui, tu sais pas ce qu'il va dire, oui, mais il dit la vérité, ou oui, il ment. Ou voilà, non, c'est ça. Ou, si, qu'ils disent la vérité ou pas, tu te dis, dans tous les cas, ça te conforte dans ton analyse. Donc du coup, ça, en fait, ça ne sert à rien. J'ai plus, je crois que j'avais vu une c'est émission le data, c'est, avant. Mais c'est dans Data Gueule ou. Oui, il y avait ça, mais c'était dans l'émission. Merde, c'est dans l'air. Ouais. C'était, je crois, avec Yves Calvi, où justement il parlait des complots. Et il y avait une question où il y a un nom des groupes des 10 plus puissantes personnes. Il y a un nom de groupe de complots. Les Illuminati. Non, mais ça, c'est un truc du genre, mais un truc imprononçable avec des G et des W et trucs. Mmh. Et il a buté sur le mot. Mmh. Et j'ai vu un commentaire qui disait oui, la preuve comme quoi il connaît bien le groupe parce qu'il a eu du mal à le dire. Il a fait exprès de mal le prononcer pour faire croire qu'il ne faisait pas partie du groupe. Non. C'est des fois, mais en fait, de toute façon, c'est comme le. Pas la femme, mais l'histoire qui dit traverse une ville avec un homme, une femme et un âne qui traversent des villes différentes. Et à chaque fois, c'est une configuration différente. C'est soit t'as les deux personnes qui sont à côté de l'âne, soit c'est une fois c'est la femme qui est dessus, soit c'est l'homme qui est dessus, soit c'est voilà. Donc t'as toutes les configurations possibles. Et à chaque fois, t'avais un commentaire qui disait ah bah il pourrait utiliser l'âne, ah bah on voit qui est le maître, ah bah on voit qui est la servante, le truc du genre. Il marche à côté quoi. C'est... Mais des fois, on va chercher loin pour pas grand-chose. Là, j'ai l'intention, j'ai... Déjà, ça, le site s'appelle Nouvel Ordre Mondial. Ah, c'est, ça annonce la couleur, déjà. Oui, j'ai vu passer ça. Ouais. Alors, Stewart. Swerdlow, la vérité sur notre soleil, / son histoire, vous serez choqués. C'est une ampoule, on le sait, c'est une ampoule, bordel. Il regarde le soleil, est-ce qu'il va le découvrir à changer sa vie. C'est ça. Déjà, c'est comme ça que ça va être fait du biais. Ah bah ouais, il regarde le soleil et ça lui change la vie. BuzzFeed. Il est un peu quoi. BuzzFeed, des trucs comme ça. Bon, bref. D'accord. Donc, Stewart Swerdlow affirme que notre soleil fait partie du projet Blue Beam et pas Blue Mars, comme les abyssales. Je fais encore des jokes à mes amis qui écouteront pas ce podcast, mais c'est pas grave. Qui a une origine extraterrestre. Ces êtres interdimensionnels vivent actuellement dans ce qu'on appelle la ceinture de Kuiper et ont été découverts au même moment que Pluton est passé du statut de la planète à la planète naine. Je sais pas pourquoi cette phrase est mal construite, mais tu peux comprendre le truc du site. Hein. Si, je comprends. Ouais. Bravo, tu contrôles le copier-coller Wikipédia. Pour que les gens ne s'intéressent pas trop à cet endroit, en fait. Le Soleil est actuellement un hologramme. Car le plus on monte dans l'atmosphère, le plus il fait froid. Je ne fais que lire. Et oui, alors qu'on se rapproche du soleil, il devrait faire plus chaud. Mais oui, c'est brillant. Dani. Bien évidemment. Ouais, c'est toujours lui. Dani brillant, sponsor. Et donc, ce raisonnement basique à lui tout seul prouve que tout ce que l'on essaie de l'espace est faux et... En fait, la NASA nous a menti sur plein de choses. Mais oui, la Lune, il y a un câble qui l'attache à la Terre. Oui. Mais bien évidemment. Bien évidemment. Non, mais il y a un ascenseur qui va jusqu'à la Lune. Bah oui. C'est juste qu'on ne le voit pas, il est noir. Et NASA. Il est couleur bleu ciel. Donc on le voit pas. Il change de couleur selon Du coup, il est transparent en fait. Ouais. Il réfracte la lumière. Donc c'est du coup, ça. Vu que la lumière n'est pas réelle. Du coup, on n'est pas réel. Je suis un hologramme. Je suis une fougère. Alors, par contre, le reste, ça va vous faire quelque chose au cœur. Parce que si vous êtes puceau, il va falloir se bouger le cul. Parce que ça va bientôt arriver. Ça va bientôt arriver. Non, mais de toute façon, rien que dans Scream, une fois que t'es plus puceau, tu meurs. C'est vrai? Merde, putain, on va mourir. Même moi, je vais mourir, putain. J'ai tout fait... ça pour ça. Tout ça pour ça, putain. Heureusement, je suis bien tombé, mais merde. La nouvelle Jérusalem céleste s'apprête à atterrir. Préparez-vous. Ouh. Donc c'est Jérusalem. Parce que j'ai pris que les titres. Parce que les titres, en eux seuls déjà, c'était déjà, mais what the fuck, complet. Mais en plus, le pire, c'est que des fois, des sites comme genre Boulevard Voltaire ou je sais pas quoi, il y a encore un vrai développeur web qui a fait un vrai boulot bien, tu vois. C'est bien structuré, c'est joli. Tu Comme t'as des photos de Marine Le Pen partout, mais c'est pas grave. Dis bon, si c'est pas grave, si c'est grave, mais c'est pas grave. Mais dis bon, bien, ça va. Mais il y a des sites, mais c'est mais méga laid, quoi. Genre, il y a le genre, y a des gens qui veulent vendre le moteur à énergie infinie. C'est un moteur qui crée de l'énergie à l'infini. C'est un moteur magnétique. Et soi-disant, il se dit, oui, alors comme chaque aimant rebondit sur chaque aimant, en fait, le moteur tourne à l'infini. Non. Non, il y a de l'usure dans le mouvement. Donc, c'est pas possible. Mais les types, ils croient, mais dur comme... Et puis, il y a des commentaires. Oui, je l'ai fait. J'ai gagné 500 euros de facture EDF. Les types sont dingues. Mais du coup, si tu gagnes 500... Mais même, t'as forcément après des doigts physiques. Oui, t'as des pertes fer, t'as des trucs comme bah ça. Oui. C'est pour ça qu'on essaie de nous vendre des chargeurs à 5 fils, on ne pourra jamais battre le chargeur à fil. Quoi. Si ça existait, bon, c'est un petit peu au courant quand même. Oui, un peu comme le moteur à hydrogène, tu sais, le moteur à eau, nous, tu fais croire que ça fait des milliards d'années que ça existe, alors que l'eau, en fait, à peu de litres, elle n'a pas beaucoup d'impact et tout, donc forcément, tu ne peux pas en faire un grand. Enfin, mais les types, quand même, ils s'y croient, mais dur comme du. Et là, franchement, si vous ne rigolez pas ce titre d'article, mais. Mais c'est tous dans le même site. Hein. Un homme explose après avoir ingéré trop de Coca, Light et de Mentos. Voilà. Ah putain. Et t'as ça en même temps que la météorite. Tu te dis, mais. Et en plus, il mettait genre c'était le 17ème mort dans l'année aux États-Unis, deux ans. Mais tu te dis, mais les types sont fous quoi. Les types sont. Le gars, à part mourir du diabète, j'en vois quand il peut crever. Non mais sans déconner. La Russie se prépare à attaquer Israël alors que l'Antéchrist et Armageddon approchent. Ah bah oui, Armageddon. Ouais. Armageddon, mais tout. Tout vient pour nous casser la gueule. Ah, allez, ça vient. Putain, intérêt de faire vite, quoi. Et après, j'ai des morceaux chouettes. Faire vite, pourquoi ? À finir le podcast. Ah, ah oui. Il faut niquer tout ça, parce que... Ouais, non, mais attends, on va séparer la conversation, niquer tout ça, c'est pas entre nous. Hein, ah c'est... Non, on va dans la rue, on va changer. Plus on va dire en tol, c'est pas grave. Hein, on nous dira... De toute façon, si je dois aller en tol, moi je dirais... Non, rage quitte. Je me désolidarise de ce podcast. Hein. Mais non, mais on dira c'est l'apocalypse, tout ça. Oh, c'est pas grave. Comme le gars qui a trébuché. Non, mais je l'ai pas violé, j'ai trébuché, monsieur l'agent. J'ai dit c'est chef. Non mais t'imagines qu'il y a des vrais avocats qui disent ça, des vrais gens. C'est-à-dire que les gars font des études pour raconter de la merde. Comme ça. Donc du coup après j'ai les morceaux choisis. Voilà c'est ça. Spécial dédicace. Parce que je suis allé sur plein de sites. Alors déjà le premier titre est le plus what the fuck de tous les temps. Jurassic Park World, 0% de sionisme. Hein? Parce que c'est fait par Spielberg qui est juif. Donc du coup le gars a analysé tout le film pour savoir si le film était sioniste ou pas. Ok. Et c'était sur Boulevard Voltaire. Non, Égalité et Réconciliation, le site d'Alain Soral. Oh, magnifique. Donc, tu sais, c'est le site où Alain Soral te dit toutes les transactions, achète ton livre, achète des t-shirts. Après avoir raconté de la merde pendant un quart d'heure pour te dire, oui, non, mais c'est prouvé dans ce livre. Tu sais où il y a marqué Alain je sais pas quoi, qui est négationniste à mort. Pour lui, rien n'a existé. Même l'être humain n'existe pas. Demain, il est négationniste. Mais c'est pas grave. Après, j'ai la guerre secrète multinationale de la CIA en Syrie. Et le chaos islamiste. Non, mais les titres sont what the fuck. Ah, il est là. Le Bataclan, au lieu du financement de l'état criminel d'Israël, dénoncé depuis des années. Ok. Donc, moi, quand je suis allé voir Kerry, Pamiu, ou. Comment il s'appelle, ceux qui faisaient les génériques de Naruto là. Ah, Asian Kung Fu Generation. Merci. Voilà, il est en fait, j'ai sponsorisé Israël. Ouais. Bravo. Avec des Japonais. Bravo, ah, monsieur. Voilà. Ah, plus, ça avait des Japonais, donc du coup, ils vont. Remilitariser la mer de Chine et ça va péter avec Kim Jong 135 là. Ça va péter. Kim Jong 2. Ouais. Après, bon, alors après, non mais lui c'est l'une des meilleures ventes Amazon. Là. Vous allez pleurer. La France maçonnique, premier volet du projet Apocalypse France. Des gens font des documentaires vidéo sur les francs maçons. Et ça se vend sur Amazon et ça se vend bien. Ça intéresse les gens. Mais ça intéresse les gens. Puis des gens disent, oui, en fait, il va pas assez loin dans la dénonciation. Putain, mais tu deviens dingue. J'ai vu ça, mais j'étais fou. Je me suis dit, mais... Oh. Et en plus, mais ça va avec... je suis tombé sur un article belge aussi. Non, pas belge, mais canadien. C'était une vidéo d'une heure trente. Voilà. Le système pyramidal des éliminatifs francs-maçons. Mais une vidéo où tu montrais sur les billets, tout ça. Mais tu deviens fou. Oui, après, sur les billets, je crois que ça a été prouvé que tu avais une partie, parce que tous les pères fondateurs de l'Amérique actuelle, bah, ils étaient bien obligés de faire une société secrète pour faire la cession avec l'Angleterre. Bah oui, donc à un moment, oui, ils ont existé, oui, ils étaient là, ouais. Et oui, pas plus taré ou fou que vous et moi. Enfin, et, pas... ouais, et le pire, c'est que, le pire, c'est que si vous regardez le dernier Data Gueule qui parlait des théories du complot, il y a des trucs qui ont été reprouvés comme quoi c'était faux. Il y avait genre un gars qui avait voulu faire croire que les théories du complot existaient. Du coup, les gars sont tous tombés dans le panneau, mais à prouver après que c'était faux ce qu'il disait. Mais des gens continuent à croire quand même. Et en me disant que comme c'était faux, ça faisait partie du complot. Il a fait exprès de. Oui, voilà. De faire des fausses déclarations. Mais des trucs de dingue. Genre. Même sur, après, il y en a, ils sont tellement dans leur optique ou dans leur vision qu'ils disent bah oui, ils disent ça forcément pour ça. Du coup, ça va dans mon sens, quoi qu'il arrive. C'est ça. Après, j'ai tous les membres de la LICRA, donc c'est la défense. La Ligue de défense contre tout ce qui est racisme et antisémitisme. Sans exception, sont. Israéliens. Non. Juifs. Non, quand c'est pas les Israéliens, c'est quelqu'un d'autre. Les Palestiniens. Non. Les sionistes. Non. Américains. Non. Ils sont francs. Maçons. Évidemment. Ils sont francs-maçons. Et c'est là que j'ai tapé des mots. Et c'est là que j'ai tombé. Je suis tombé sur l'article le plus haute de fuck. Bon, heureusement, c'est parodique, d'après vous. Les Amiibo sont un complot du gouvernement américain. Pipo. <Ouais. rire> Mantis. Pipo Mantis. Non, c'était pour finir. C'était pour finir, c'est un peu plus légère. Parce que... Non, mais je suis tombé sur des trucs, les enfants. Mais mon historique, il est pourri jusqu'à la fin des temps. mais je suis mais vraiment, je suis devenu dingue. Mais surtout le site Panamamza, là. Mais c'est un site mais de fou. Et c'est, à chaque fois qu'il y a un attentat, mais c'est. En plus, on peut faire des attentats à Libye, tout ça. Alors on sent mal, mais majuscule. Dès que c'est chez nous, alors oui, en fait, les policiers, ils fumaient sur les lieux du crime. Du coup, c'était pour. Mais des trucs, mais je suis tombé sur. Mais je devenais fou. Tu vas être fiché par la NSA, toi. Ouais. Ah oui, Pedro Cazeneuve, il va venir, il va m'enculer à sec. Non, mais je sais pas le dire. Quelqu'un d'autre va venir m'enculer à sec, c'est ça. Non. Quel dommage. Je vais dire, prends pas l'avion parce que tu risques d'avoir des problèmes maintenant. C'est vrai que pour aller au. Ah oui, là. Oh là. Ouais, bah, je vais faire du montage, là, il va aller combien de temps Oh là. Non, mais. En plus, il y a des sites qui sont c'est même plus antisémites à ce point-là, parce que c'est. À tous les articles, il y a marqué oui, non, mais Israël, tout ça. Non, mais c'est. Je suis tombé sur une fumée de dingue. La prochaine fois, heureusement, je pense que je vais vous l'utiliser, je serai les proverbes africains, ce sera plus drôle. Parce que là, mais. Ça m'a mis. Mais retournez la tête. On se dit, c'est juste pas possible que des gars croient. En plus, c'est ça le pire, c'est que les gars, ils soient oui ou pour non. Parce que des fois, on peut regrouper les sources. Parce que bon, même si on nous manque, tu regroupes les sources, t'arrives à te faire à peu près un avis. Voilà. Sauf qu'eux, ils vont tellement dans un sens, surtout comme ils se citent entre eux en plus. Oui, tous. Bah, oui. Genre Alain Soral cite Dieudonné, qui Dieudonné cite Alain Soral. Donc en fait, c'est pour, si je dis à mon copain Gasto, dis que je suis bleu, je vais dire, bah, je suis bleu, bah, il est bleu. Et voilà, qui va me contredire si on dit que tous les deux je suis bleu? Personne. Donc forcément. Moi je vois. Il faut toujours dire aux gens que sur internet on voit tout et son contraire. Surtout le contraire d'ailleurs. Oui. Bah après c'est un. Ah c'est un formidable outil, mais. C'est un petit peu l'excès d'internet parce que c'est du ça. Coup tout le monde a la parole. Ouais, et du coup tout le monde peut raconter son bullshit. Ah, ouais. Et après justement c'est à la personne de faire la différence de d'aller chercher si, bah, s'il a dit ça. Faut que j'aille vérifier, est-ce que c'est vrai sur. Développer votre esprit critique. Oui. C'est ça. Déjà, s'il ne veut pas vendre un livre derrière. Déjà. Mais après, du coup, toi, c'est ça que je trouve un petit peu con aussi dans cette explication-là. C'est si tu vas voir deux sites qui sont plus ou moins liés, qui te sortent la même info, si tu vas avoir plusieurs informations et tu n'en as aucun qui te dit le contraire, tu vas avoir quatre sites qui vont te dire oui et aucun qui te dise non. Ouais. Du coup, bah, tu fais bah oui, j'étais plusieurs sources, voilà. Et du coup, faut que tu affines un peu plus encore en cherchant qui édite le site, qui, avec qui il est ami et tout. Mais c'est ça le problème des suggestions de Google et de Twitter. Il faut couper ces informations en étant sûr de ses sources. Quoi. Oui. Bien sûr. Parce que quand tu es Alain Soral, il va te proposer plus facilement Dieudonné que Robert Badinter, tu vois. Oui. Par exemple. Donc forcément, de suite, tu as plus de chances de ricocher sur des trucs qui se ricochent entre eux. Mm. Du coup, tu ne sors plus de la spirale où tu es. Oui, à chaque fois, en fait, ouais, tu sors. C'est ça. En plus, souvent que ces sites prennent comme but, comme barrière, le fait que ce que disent les autres, c'est forcément faux. Bullshit. Ceux qui sont pas d'accord avec eux, c'est forcément faux. Donc, du coup, tout se ricoche entre eux. Oui, bah oui. T'es pas mort de rire, mais presque quoi. Non, voilà, j'en ai fini avec mon dossier creepy. Donc, si on meurt en 2016, ce que j'aurais prévenu ou pas, je sais pas. De toute façon, on sait bien que ça sera la faute des minicums. Voilà. De toute façon, on mourra pas vierge. Non. Nos auditeurs, attends, je sais pas. Attends, je réfléchis. Tu es vierge ou pas? Non, oui, tu dis oui ou non, mais de toute façon, je croirais que non. Ça fait partie du complot. Voilà. C'est ce que j'allais dire, c'est le complot. Donc, je veux pas répondre, et ça aussi, ça fait partie du complot. Voilà. Comme Marine Le Pen, tout fait le jeu du FN ou pas. Non, mais si, par contre, si on démontre que t'as dit une connerie, ouais. Par contre, non, mais je me casse, on peut pas parler ici. Ouais. Ce podcast est fini, voilà. On fera l'apéritif original, mais. Perdu toute sa valeur. Enrichi un sionisme, allez hop, on y va. Non, non, mais c'est fou. Hein. C'est, fou. C'est ça qui est beau avec Internet et. C'est ça qu'on a un minimum d'esprit critique, comment on peut rigoler. Oui. Bah du coup merci pour ton dossier. On va passer à la dernière partie. En ce temps-là, Jésus dit à Matthieu, descend du train et gonfle les pneus. Et maintenant chantons. Et du coup, pourquoi tu rigoles? ça me fait toujours rire, cette phrase, pourquoi ça. Descend du train et gonfle les pneus. Chantons. je vais passer du coup une musique de Chinesman qui s'appelle Ayayo. Donc c'est un petit peu world music avec... Ah, ça fait partie du complot, alors. Ah bah oui. C'est une musique complotiste. De toute façon, quoi que je réponde, ça veut dire que oui. t'as déjà ton avis. Donc, du coup, alors, c'est je malin, vais toi. Dire banane. Bah, ok. Banane, les noix. Non, mais... non, mais c'est parce que j'ai bu une bière à la banane. Ouais, non, mais en fait, ça se recoupe forme, en fait. C'est une forme de. De croissant. De croissant. Coup... Oh, croissant Turquie. Le croissant, Turquie. Pays de l'Orient. L'Orient. Turquie, Israël. Israël. État islamique. Israël, complot. Directement, voilà, pour moi, la case de. On dirait. Benyamin Netanyahou. Complot. Oh, Mais c'est qui?